À, Catherine, chị gửi cho là alo. Chị gửi là do vous saviez quand tu m'avais dit absolver mes vidéos pour rien vous démontrer sur le site de la maison de l'aide pour vous éteindre sur la balcon. Mon ordinateur ne marche pas. Et je ne sais faire des manips. Et Catherine, là, je vais la mettre aujourd'hui. Je sais car j'ai pris dans tout ça, c'est tout catastrophe, je sens qu'il va quand même. Ah, Catherine. Je devais donc catastrophe par un désir par cette question de départ. Créez-moi, c'est la réalité de Dios. Primera opción, es el juicio final. Pompon, caída de Phaeton. Caída de Phaeton, en plena carrera. Rafael Bendito, yo creo, Rafael, que la policía francesa se llevaría muchas sorpresas investigando el entorno aparentemente psicoanalítico. I stopped the recording.